La crème glacée arc-en-ciel d'Albert. Albert a une crèmerie. Les enfants viennent à sa crèmerie après l'école. Nous voulons de la crème glacée arc-en-ciel, s'il vous plaît, disent-ils. Albert prépare d'énormes cornets de crème glacée. Nous adorons la crème glacée arc-en-ciel, disent les enfants. Regardez vos langues, dit Albert. Nous avons des langues arc-en-ciel, disent les enfants en riant. Un jour, le téléphone d'Albert sonne. Dring, dring, dring. Votre crèmerie va devenir une boulangerie. Mais les enfants veulent de la crème glacée. Où vont-ils en acheter? Après l'école, les enfants vont à la crèmerie d'Albert. Ils voient une affiche sur la porte. Du pain, dit les enfants. Nous ne voulons pas de pain. Nous voulons de la crème glacée. Tut, tut, tut. Regardez, c'est Albert, disent les enfants. Il a un camion arc-en-ciel et une machine à crème glacée. Albert prépare d'énormes cornets de crème glacée. Merci, Albert. Nous adorons votre crème glacée, disent les enfants. Albert mange un cornet lui aussi. Les enfants voient la langue d'Albert. Il se met à rire. Vous avez une grosse langue arc-en-ciel, dit-il. Les enfants écrivent des cartes de remerciement. Albert est un bon ami, disent les enfants.